Depuis matin relevé, tombé fait jalousie, et puis tombé babillé, tant courrier sorti ici, ou levé ou sorti, ma grande côté ou aller, c'est doué l'envoisinage, ou al ramasser tripotage, l'on retourne pita, Dieu l'ou tout long comme ça. Pas que mon qui parlait, et puis ou tombé relé, chaudière pas j'en monté, l'envie fouillé dit fait, grand cours à bétuyé, m'senti pas capable. Chaque 9 mois l'hôpital, non salle maternité, ou maman c'est petit monde, ou candidat pour 6e. Par contre, quand ça pralé, plus qu'on pas v'lé rété, ça sent miséricorde, moi vini fourré comme, au gué yon vieille pratique, sans machin à cassant, acheté crédit tout le temps, et puis ou pas v'lé payer, pour lui mander ou l'argent, pour voyer l'y côté. Tant qu'on va jamba ou, sans façon pour émerder moi. Faut qu'on t'a mis d'écran, qu'on vous passe à l'manor. Et puis faut qu'on t'a brave, plus va passer guédé. Pour m'être capable qu'un bé, à qui une femme décloquée. Qui pas moins 5 timoun, qu'un 2 qui pas pour moi. Ou pas mon vieux beau frère. Il va jambler le travail, toute la journée le chita, tant qu'on l'a payé caille, manger pas chamassé, pour faire manger en pile, ma chaîne a quitté ça, me senti pas capable encore, senti pas capable encore, me senti pas foutre. Capable encore. Allez-vous.